your mind. Dance with me, sister. Dance with me, sister. Avec Pop Culture, l'album No Sleep at All. Nouvelle entrée en 15e position anglophone. Juste avant, c'était Face Play avec Il était deux fois de leur album éponyme. Nouvelle entrée en 15e francophone. On est rendu au 14e place du côté anglophone. C'est nouveau de Parlor Mob avec Hard Times, mais on commence par une autre nouveauté. La dernière du côté francophone, c'est Esker Mika. Voici l'accident dans un condensé de la meilleure musique que ces fois à vous offrir. Les palmarès, c'est fou au 89.1 FM. T'appliquer les freins sur un magané, déminé par le dos, des lieux mal éclairés. T'as manqué une courbe et le short a craché. Tu traverses la neige, le pare-brise qui casse. Et ton corps aussitôt hélico projeté, par-delà quelques vrais, quelques accélérés. Je t'ai en deux temps, toi ta caisse renversée. Prends le volant, la route et puis le champ. Traverser le verre comme on sort de sa mère. Vu la somme des entorses, vu le sang sur le corps, ton âme flanche et divorce. Si j'étais là, je te parle de bois. J'ai une chambre et une voix pour ton corps qui mange. Qu'est-ce que tu t'endors? Parmi l'eau crayonnée, à l'aquarelle incendie, t'es bercé par le vent sur un lit de gravier. Et partout sous ta peau, le sang a dessiné des fleurs fanées, des chrysanthèmes qui osent. Et on fait un gros plan sur ton corps en fadesse. Le pare-brise que tu mâches et mes diamants à la route. Tes yeux brûlés, car heurtés en boutique dans les archipels de Barbie. Et l'absence de lumière, le sang des entrailles. Du sang sur les glaces, ton blanche divorce. The Potomob avec Hard Times de leur album And You Were a Crow. Ça, c'était une nouvelle entrée en 14e place. Juste avant, c'était Escarmica avec L'Accident, nouvelle entrée de leur album TNT Conifère. On est rendu à nos 13e position, mais avant, voici ce qui s'en vient plus tard dans l'émission. Entre autres, il va y avoir quelques meilleurs moments de vidéo à la question. Cette semaine, on retourne dans les bonheurs de l'hiver avec Camping d'hiver avec ma tante Track et le spécial horreur du temps des fêtes. Un spécial Halloween pour Noël. Plus tard dans les meilleurs moments de Vidon Radon à la question, on va aussi recevoir Kiwan qui va nous parler de sa nouvelle émission qui s'appelle Respecte les dauphins. Ça, c'est un petit peu plus tard dans l'émission. On va aussi balayer le plancher. On va parler de gens stupides, donc qui font des choses stupides. On va aussi faire le tour de ce qui passe ailleurs dans les palmarès, c'est-à-dire le top 10 électronique, le top 10 loud, le top 3 des disques canadiens et le top 30 des albums. Ça va être une très très bonne émission ce soir. Maintenant, voici 13e position du côté anglophone. C'est Fouad à The Festones avec Pyramid. Mais juste avant, voici une descente de 3 places pour Shotgun. Avec En attendant, dans un condensé de la meilleure musique que C'est Fou à vous offrir, les Palmarès C'est Fou au 89.1 FM. We'll be right back. Restez là, au retour de la pause, on écoute Foil à the Festones, Dutch 16 et Danny Placard dans vos palmarès, c'est fou, au 89.1 FM. De Foil à the Festones de leur album qui porte aussi le nom de Pyramid. Ça, c'est une nouvelle entrée en 13e position. Juste avant, du côté francophone, c'était Shotgun avec En attendant qui descend de 3 places. Ça fait déjà 8 semaines qu'ils sont sur les palmarès francophones de ces fous. C'est sur sa fin, ça, En attendant. Peut-être qu'on aura une autre pièce de Shotgun plus tard. On va passer à nos numéros 12, c'est-à-dire Dutchess 16 et Danny Placard. Allons voir ce qui se passe ailleurs dans les palmarès, parce que pour les non-initiés, les palmarès, c'est fou. C'est fou. Je vais dire c'est faux, mais c'est vrai, dans le fond, comme TVA. C'est pas seulement un top 15 francophone et un top 15 anglophone, assez fou. Non, on a aussi un top 10 électronique, un top 10 loud, un top 3 des disques canadiens et un top 30 des albums. On va faire les deux premiers pour l'instant. Du côté du top 10 électronique, aucune nouvelle entrée. Donc, directement au top 3, c'est stable de tous les côtés, la 3, 2 et 1. Kane Enable avec Smoke en 3e, Polysed avec Third en 2e et Triphonic avec Emergence en première place. Ça fait 5 semaines que c'est là. Du côté du top 10 loud, deux nouvelles entrées. En 10e, on retrouve Shai Hulud avec Misanthropy Pure. Et en 9e, il y a Hatchet avec Awaiting Evil. Du côté du top 3, Children of Bodom est en 3e, descendent d'une place avec leur album Blood Drunk. En 2e, ça monte de 2 places, Cataclysm et Prevail. Et le grand numéro 1, c'est Protest the Hero avec Fortress. On va faire le top 3 des disques canadiens, le top 30 des albums un petit peu plus tard. Pour l'instant, on va entendre nos numéros 12. Du côté anglophone, c'est la dernière nouvelle entrée de la semaine, Dutchess 16, avec Black Flag, une deuxième pièce de leur album Anthologie et 3 perchoirs. Mais avant, voici Danny Placard et Gratte-ciel de son album Raccourci, album qui parle de pick-up. Dans les palmarès, c'est fou, au 89.1 FM. installé sur un coin de rue à attendre que la lumière t'embarque. Je pense à toi, ma lune, pis je m'ennuie déjà. J'ai collé ta photo à sur le dash de mon pick-up. T'es bien plus belle que tes étoiles qui sont passées par là. Je te regarde à toutes les fois que je fais un stop. We'll be right back. Duchesses avec Black Flag. C'est la dernière nouvelle entrée cette semaine dans le palmarès Sifu anglophone. Oh, Duchesses, leur album c'est Anthologie des trois perchoirs. Juste avant, du côté francophone, descendre d'une place pour Danny Placard avec Gratte-Ciel de son album Raccourci. Troisième semaine de présence, ça a monté un petit peu, ensuite descendu, et là on va voir si ça remonte. Disons que trois semaines à date, c'est pas fort fort, ça a pas tellement monté du tout. Bon, voilà donc pour nos deuxièmes positions. Regardons un petit peu ce qui se passe encore une fois ailleurs dans les palmarès. Tantôt, on a fait le top 10 électronique et le top 10 loud. Maintenant, on va faire les deux autres. Commençons par le top 3 des disques canadiens. Tout est stable. Hein? En troisième position, c'est Teenage Head with Marky Ramone. En deuxième, c'est Duchesses avec Anthologie et trois perchoirs. Et la première position, on va l'entendre un petit peu plus tard dans notre palmarès anglophone. C'est l'album In the Future de Black Mountain. Sixième semaine de présence dans le top 3 des disques canadiens. Du côté du top 30 des albums, quelques nouvelles entrées. En 30e place, la formation Old 97s avec Blame It on Gravity. En 9e, c'est la formation Caesars avec Strawberry Weed. En 28e, The Green Hour Band avec leur album éponyme. Et en 27e place, c'était le poste d'or à l'émission Le Poste d'écoute la semaine dernière. C'est Run Chico Run avec Rocket Surgery. On monte au top 3 maintenant, la prochaine position, en fait, qui est la troisième, monte de la septième. C'est encore une fois Teenage Head with Marky Ramone. En deuxième, ça monte de 4, The Cat Empire avec So Many Nights. Et la première position monte d'une place, dixième semaine de présence, c'est Man-Man avec Rabbit Habits. Man-Man qu'on va entendre un petit peu plus tard à l'émission. Et comme j'aime bien dire, pas mal plus tard. Beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus tard. C'est un petit indice comme ça, hein? Tellement subtil. On est rendu aux 11e position du côté anglophone, c'est Lesbo Vroven avec Greek Woman qui monte de 4 places. C'était une nouvelle entrée la semaine dernière, mais juste avant, on s'en va entendre Derf. Voici Le Grain featuring Granger dans les Palmarès et Fous au 89.1 FM. Oh, science, cher Pierre-Paul, allez, viens. Partons au moulin chercher en trou. Il a payé le fief cette année. Fut une époque contemplée. C'était l'époque des moissons, c'était l'époque des quatre saisons. Autant des blés, autant des blés. C'était l'époque des bûcherons qui attendaient ça tout le long. Autant des blés, autant des blés. Autant comme autant des blés. C'était le sacre du moulin qui tourne et tourne et tourne sans fin. Autant des blés, autant des blés. Et la légende de la meule veut que le tour soit pour le grain. Autant des blés, autant des blés. Autant comme autant. Et j'irai moudre le grain à la fin, à la fin. Et j'irai moudre le grain à la fin, à la fin, à la fin. Et pousse, et pousse, et pousse encore sur les grandes terres du Nord. Autant d'effets. Les foins passés au petit matin, nous irons tourner le moulin. Autant d'effets, autant comme autant d'effets. Et j'irai moudre le grain à la fin, à la fin. Et j'irai moudre le grain. Et Évidemment, on épandait, évidemment, on cultivait autant d'effets. Et feu, de cette époque, passée lointaine et enterrée, autant d'effets. Autant comme autant d'effets. Et j'irai moudre le grain. J'irai moudre le grain à la fin, à la fin, à la fin. C'est fini l'époque des moissons. Le gré est beau cette année. Le gré. Hey. Ça, c'est bon, ça! C'est Lesbo-Vrouven. Lesbo-Vrouven. C'est sûr que je veux dire quelque chose, ça? Enfin, Lesbo-Vrouven. C'est bon. Donc, avec leur pièce Greek Woman qui monte de 4 places, ça vient de leur album Encore la mort. C'est tout récent, ça. Et juste avant, ben, en fait, comme pas mal tout ce qui est sorti par Marès de C'est Fou. Juste avant, c'était Derf avec Le Grain de leur album Le Temps des Démos. Leur 10e album, ça monte de 3 places. C'était une nouvelle entrée la semaine dernière. On est rendu aux positions numéro 10. Du côté anglophone, c'est Protest the Hero avec Blood Meat. Mais juste avant, voici Dactylo Fidelity et In Situ. Dans vos palmarès, c'est fou. Vous êtes les palmiers, moi c'est Mathieu Plante. Et vous aimez ce que vous entendez parce que vous êtes ouverts à la nouveauté. Et ce qui est différent de ce que je vois ailleurs. OK. Hey, devenez notre ami sur Facebook. La page des palmarès, c'est fou. Je vais mettre le lien sur leunechance.com. Soyez nos amis, là. Non, c'est pas le part, hein. C'est sur cette note violente que se termine la première heure des Palmarès. Il faut faire un petit résumé de ce qu'il y a joué dans la première heure. Du côté anglophone, la 15e, c'est Creature avec Pop Culture. En 14e, The Power Mob avec Hard Times. Ensuite, Foil of the Fellstones avec Pyramid. En 12e, Duchess 16 avec Black Flag. En 11e, Les Beauvrouvelles avec Greek Woman. Et ça, c'était Protest the Hero avec Blood Meat en 10e. Du côté francophone, en 15e, c'est Pace Play. En 14e, Escarmica. En 13e, Shotgun avec En Attendant. En 12e, Dali Placard. En 11e, Derf. Et en 10e, c'était Dactylo Fidelity avec In Situ qui descend de deux places. Reste avec nous dans la deuxième heure. On va entendre entre autres Pomerleau, Chocolat, Éléphantine, Flight of the Conchords, Los Campesinos et Black Mountain. Restez là, les palmarès, c'est fou. Continuez en deux minutes au 89 FM. Bienvenue, c'est la deuxième heure des Palmarès C'est fou pour la semaine du 30 mai au 5 juin 2008. Je m'appelle toujours Mathieu Plante. Il nous reste les positions 9 à 1 à entendre. On va avoir des bonnes choses plus tard. D'ailleurs, restez là. Hein? Restez avec nous parce qu'on va entendre des meilleurs moments de l'émission d'humour extrême Vidon dans la question. Cette semaine, on retourne dans l'esprit festif du temps des fêtes. On va voir les épisodes Camping d'hiver avec ma tante Frac et spécial horreur du temps des fêtes. Ça va être spécial, ça. Mais avant, ça va entendre nos 9e position du côté anglophone, Flight of the Conchords. Mais avant, voici Carquois et la façade dans les Palmarès C'est fou au 89.1 FM. C'est fou.ca pour nous entendre partout dans le monde. Quand le show se fait mort, tout ça pour une façade, une image qui ferait jaser fort. Quand tout est au plus fade, quand l'usine fait plus assez d'or, inventé dans l'espoir. bleuté. Voilà mon passeport. Ah, Gérald Depardieu. Baguette. Baguette. Foudou fa fa. Foudou fa fa fa fa. Foudou fa fa. Aïe. Foudou fa fa. Foudou fa fa fa fa. Foudou fa fa. Aïe. Et maintenant le voyage à la supermarché. Comme la mousse. Ananas. Jus d'orange. Bœuf. Soupe de jour. Camembert. Jacques Cousteau. Baguette. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour monsieur. Bonjour mon petit perroquet de chien. Ça va? Ça va. Ça va? Ça va. Voilà la conversation dans le parc. Où est le livre? À la bibliothèque. Et la musique dans? À la discothèque. Et les discothèques? C'est bébé. Un, deux, trois, quatre. Foudou fa-fa. Foudou fa-fa-fa-fa. Foudou fa-fa. Aïe. Foudou fa-fa. Foudou fa-fa-fa-fa. Foudou fa-fa. Aïe. Où est la piscine? Pas dans moi. Où est la piscine? Je ne comprends pas. Parlez-vous le français? Parlez-vous le français? Non. Foudou fa-fa. Foudou fa-fa-fa-fa. Foudou fa-fa. Aïe. Foudou fa-fa. Foudou fa-fa-fa-fa. Ah, je suis excité que ça monte, ça! C'est Flight of the Conchords avec Foudou Fafa! 9e position anglophone, ça monte la 14e. C'était une nouvelle entrée juste la semaine dernière. Leur album est éponyme et est excellent. Je le dis à chaque semaine, je vais continuer de le dire. Allez sur YouTube, tapez Flight of the Conchords. Vous allez trouver les vidéoclips de leur émission de télé et c'est fantastique. Il y a aussi des extraits de spectacle à voir. C'est absolument génial. Flight of the Conchords. Juste avant, c'était aussi très, très bon. Carquois avec La Façade, qui était aussi une nouvelle entrée la semaine dernière, mais en 15e position francophone. Leur album le plus récent s'appelle Le Volume du Vent. On va entendre nos 8e position à l'instant même. Tiens, pourquoi pas. Et juste après, on fera le tour de ce qui s'est le plus écouté dans les stations universitaires et communautaires canadiennes. Du côté anglophone, la 8e position, c'est Black Mountain avec Feel Free qui monte de 5 places. Mais avant, voici Chocolat. Et moitié homme, moitié loup. Nous sommes moitié sain et moitié fou. C'est fou, 89.1 et Palmarès. Ouais. Je voulais d'amour et de toi, mais je suis fou. Écoute ton cœur qui bat sans jamais être jaloux. Moitié loup. Ah, je suis fou. Oh, j'ai quitté la raison pour toi de six moitié homme et moitié loup. J'ai fait plus relâcher mes doigts autour de ton cou. Black Mountain avec Stay Free qui monte de la 13e position pour atterrir à la 8e anglophone. C'est tranquille, ça. Mais vraiment très tranquille, oui. Justement, du côté francophone, c'était Chocolat avec Moitié Homme, Moitié Loup, une pièce qui fasse un petit peu plus. Ça monte d'une place, c'est ça. Ben, c'était une nouvelle entrée il y a deux semaines. Oui, puis Chocolat sont en spectacle jeudi le 5 juin au Nord-Ouest Café avec Mimi Van Der Glo en première partie. Tout à fait, ça, 5 juin. C'est jeudi belle prochain. Journée, ça. Hein? Oui, c'est une belle journée. On en parlera tantôt un petit peu plus. Si tu veux. Respectons-les, ces dauphins. Là. Avant de respecter n'importe quel animal de compagnie ou pas, hein? Hein, t'es-tu curieux? Avec ouais. Mon lien? Ouais, vas-y, ouais. Je te suis, vas-y. Respectons-la donc, la question, hein? Quittons-la donc, la question. Cette semaine, camping d'hiver avec Matt Andrac. Matt, tu me passerais-tu le fouet? Faudrait que je batte les œufs. Oui, tiens, mon amour. Appelle-moi pas, mon amour. Matt, yeah. Qu'est-ce qu'on a l'air au radio, là? OK. Ah, ça sonne. Ah, elle va répondre. Moi, j'ai les mains pleines d'huile d'olive. Oui, attends un petit peu. Oui, j'arrive. Allô? Allô? Hey, qui parle? C'est Matt Andrac. Hey, Matt, c'est Matt Andrac. Hein? Non. Je te dis? Hey, les petits gars, ça vous tente-tu de venir faire du camping d'hiver avec moi? Ce qu'il fait à nous appeler? Ça te tente-tu d'aller faire du camping d'hiver avec Matt Andrac? Avec Matt Andrac? Tu viens? Je te jure? Ben voyons donc, quand est-ce? Et quand est-ce que tu serais prêt à venir nous chercher, Matt Andrac? Ben, drette là, on part. Elle s'en vient? Non! Oui! Oui! Vous écoutez Vidons la don la question et Mathieu et moi-même sommes au coin de rue Marquette et Beaubien. On attend Matt Andrac pour venir nous chercher faire du camping d'hiver et c'est long. Hey, moi je te gage que son char là, ça, c'est une Mazda protégée. Je pense que ça chauffe une Mazda protégée. Je sais pas, mais il semble qu'il y a une face à ça. Oui, qu'il y a une face à chauffer une Mazda protégée. Ouais, c'est vrai. Madame, c'est l'heure de Vidons la don la question. Écoutez, bon, on est toujours au coin de rue Beaubien de Marquette, puis on attend Matt Andrac. C'est long, hein? On espère qu'on va arriver bientôt. Et nous autres, c'est un gros événement quand même pour nous, là, d'aller faire du camping d'hiver avec Matt Andrac. Oui. On a oui. Hâte qu'elle arrive. Ah, c'est on l'attendait depuis longtemps parce que émotionnellement, c'est vraiment dur pour Luc et moi ces temps-ci. Ouais. On a fait une émission sur la dépression et là, on a appris cette semaine que nos mères allaient arrêter de nous donner de l'amour parce qu'elles nous trouvent beaucoup trop vulgaires. Elles se sont appelées puis se sont dit non, on arrête d'aimer nos gars. Fait qu'on a vraiment besoin d'amour maternel et c'est ma tante Frac qui va nous en donner. Elle est tellement maternelle. Puis en plus, pour elle, c'est de venir faire du camping d'hiver avec nous autres, ça fait remousser sa popularité. On parle d'elle, c'est l'être en cowboy, il est plus sur le palmarès. C'est le fun, tu sais. Oui, c'est ça, là, ça fait un gros buzz. Oh, attends, c'est elle qui arrive, ça? Oh! Oui, c'est elle. Hey, salut les petits gars! Hey, ça va bien? Oh mon Dieu, vous êtes bien plus beaux qu'au radio! Ben oui, hein, c'est fun, mais tu sais, c'est plus belle qu'avec Internet. Bon, ah, ben merci. Bon. OK, là, vite, là, on n'a pas de temps à perdre, c'est loin, c'est qu'on s'en va, on part! C'est moi qui embarque en avant! OK! C'est suivi du spécial Horreur du temps des fêtes. Dans le cadre de cette émission sur l'horreur, on va maintenant vous parler du triton, aussi appelé Diabolus in Musica, soit le diable dans la musique. Qu'est-ce que c'est le triton? Eh bien, c'est le nom qu'on donne à un intervalle de 3 tons en 2 notes de musique, donc d'où le nom triton. Et ça, ça se trouve à être une quinte diminuée, ou encore si on veut, une quarte augmentée. Oui. Et c'est à la fin du Moyen-Âge que le triton devient un intervalle associé au diable. Il devient donc systématiquement évité par les musiciens. Et malheur aux pianistes qui osaient faire un triton en jouant du piano dans une église à cette époque. Brûlez-le! Évidemment, ce genre de situation-là ne se produit plus aujourd'hui. Imagine ça, toi, que le Triton serait encore banni de nos jours. Quel genre de situation que ça pourrait donner? Mesdames et messieurs, vous les attendiez, Tricomachine! J'ai souri la peau d'un petit ours, mais son cœur, je l'ai pas volé. Mathieu! T'as fait un Triton! Mais c'est pas de ma faute, c'est à cause que c'est mes doigts qui ont vu le signe. Espèce de maladroit, qu'est-ce que t'as fait, là? Regarde, c'est toujours toi qui cherches la chicane! Mais non, c'est je voulais pas le faire. Regarde, tout le monde sont en calvaire après nous! Non, non, non, c'est lui qui l'a fait, le Triton! Brûlez-le, lui! Catherine! C'est ce qui s'en vient dans la prochaine édition de Vidon alors la question en version d'une heure tout l'été. Donc, camping d'hiver avec ma tante Frac et spécial horreur du temps des fêtes. On revient en arrière, on fait comme si on était l'hiver, on est très très festif. Jingle bell all the way. Vidon alors la question cette semaine, l'émission d'humour extrême présentée sur les ondes de C'est fou les lundis à 16h, les mercredis à midi, les vendredis à 9h et les samedis à midi. Allez voir le cifou.ca pour toutes les heures de rediffusion. Kiwan, Tricot Machine dans Vidon la don cette semaine. Ouais, hein, c'était-tu eux autres pour vrai? Probablement, ils se les ont payés. Ben oui, c'est clair. Ce que je sais par contre, c'est que c'est la vraie ma tante Frac. Ma tante Frac qui a une bonne collaboration avec les gars de Vidon Ladon. Ouais. Ça fait du beau travail. Je pense qu'il est même dans le deuxième épisode. Si je me rappelle bien, je suis pas sûr, mais je pense qu'ils font du bricolage dans la fin de l'autre émission. Mais bon. Ben, je pense que les gars sont allés aussi dans l'émission de télé internet de ma tante Frac. Il me semble que je les ai déjà vu faire cuire un bébé. La vie de ma tante Frac, quelque chose du genre. Ouais, ouais. C'est spécial, leur collaboration. Allez voir ça sur en passant à vidonalon.com, premièrement. Ça mène vers MySpace. Et le MySpace mène vers ma tante Frac. Donc, tout est accordé. Hein, c'est magique, l'Internet. Il n'y a pas de triton là-dedans, il n'y a pas de fausse note. Non. C'est magique, l'Internet. C'est un beau slogan pour l'Internet, je pense. L'Internet, c'est magique! Non, faut plus que ce soit sur un ton vraiment abasourdi, comme « c'est magique, l'Internet ». C'est magique, l'Internet. Ouais, vraiment, là. Ouais. Hey, Poutine, Kiwan. Oui? Excuse-moi, j'allais taper Poutine. Ouais, je sais pas pourquoi. On est rendu aux positions numéro 7 du côté anglophone. C'est Los Campesinos avec Death to Los Campesinos qui descend de la troisième, mais avant. Du côté francophone, c'est toute une descente pour Elephantine qui est en position numéro 2 la semaine dernière. Ils sont en position numéro 7 cette semaine. C'est en attente d'un moment présent qu'on s'en va écouter tout de suite. Au Palmarès, c'est fou au 89.1 FM. L'Internet, c'est magique. C'est magique, l'Internet. Les palmarès, c'est fou, c'est quoi, ça? Les palmarès, c'est fou, c'est... C'est total magique. Ah! Vocal, tentez de rejoindre la présence en plein. Et si je rappelais liberté et de bonnes choses. Dans une autre vie. S'il vous plaît, rappelez plus tard. Los Campesinos, c'est Death to Los Campesinos de leur album Hold On Now, Youngster. Ça, c'est la 7e position anglophone, ça descend de la 3e. C'est vraiment très estival comme pièce. Yeah. C'est bon. Ah, j'adore ça. Oui. Ouais. Avant ça. Avant ça, c'était Elephantine avec En attente de moment présent. Ah oui, c'est ça que je devais dire. L'ancien numéro 2. Ouais, ça a descendu quand même pas mal. Triste, en attendant de remonter au sommet, peut-être. Ah, ben il y a d'autres pièces aussi là, sur l'album. On n'est pas si triste quand même. Il n'y en a pas beaucoup, par contre, ça qui est triste. Non, il n'y en a pas une tonne, mais bon. C'est un petit maxi, comme on appelle. Voilà. C'est bien moins cher, le palier le moins cher, on dit. Ouais, c'est ça. C'est ça. Hey, sais-tu quoi? Vas-y, quoi? Non, vas-y, toi. Quoi, quoi? Non, non, non. Quoi? Non, non, non, vas-y. Non, j'allais rien dire. Les femmes d'abord. On fait tellement des liens chaque semaine, il faut vraiment écouter de façon, comment dire, prompte. Ouais. Strictement prompte. Ouais. Exhaustive. Exhaustive. Je sais pas si c'est le bon terme. Malencontreusement, malabalabalabou. OK. Non, mais ce que j'allais dire, est-ce que je connais Jeff Deck et Benjamin Urson? Sûrement pas. Sûrement pas. Alors, en fait, c'est deux gars qui se promènent. Bon, ils ont étudié au Dartmouth College. D'accord, ils ont gradué là. Et maintenant, ce qu'ils font comme mission, c'est qu'ils vont partout en ville et ils corrigent les fautes d'orthographe sur des pancartes ou dans des magasins. C'est leur travail, ça? Oui, c'est ça. Ben, c'est leur mission. C'est leur occupation principale. J'imagine qu'ils ont une vraie job à part de ça. Mais bon. Donc, ça veut dire qu'il y a tant d'erreurs que ça pour pouvoir occuper ces deux gars-là? Tu pourrais pas croire comment il y en a. Je suis abonné à plusieurs blogs. Je vais sur Internet, je cherche des blogs, le fun. Il y a par exemple le blog du L minuscule dans une phrase qui est écrite en majuscule. Je sais pas si t'as déjà vu ça partout. Là. Les gens écrivent à la main au Sharpie sur leur pancarte en majuscule, mais le L, c'est toujours un I majuscule. Toujours un I. Ça ressemble à un L minuscule. Fais là. Ou encore, ils mettent pas l'apostrophe aux bonnes places en anglais. T'sais, apostrophe S, ça veut dire que c'est possessif. Mais là, ils mettent, pour faire du pluriel, ils mettent un apostrophe. T'sais. Pas rapport, là. Comme DVD, apostrophe S. Oublie ça, là, ça marche pas. T'sais, ça se fait pas en anglais. T'sais. Fait qu'ils font ça, eux autres. T'sais, ils se guident par GPS dans leur Nissan Sentra Sentra 97, puis ils corrigent des verbes ou de la mauvaise grammaire. Pis, mais évidemment, ils se font accueillir très, très bêtement par les magasins, puis les gens aiment pas ça se faire corriger comme ça. Ouais, c'est ça, mais ils corrigent physiquement eux-mêmes les pancartes. Ouais, ouais. Ils vont mettre avec un Sharpie leur apostrophe aux bonnes places, ou ils vont barrer quelque chose. Ou, c'est bon. C'est cool comme idée. Moi, ça me tente sérieusement de partir un blog. J'ai eu l'idée de partir un blog à Trois-Rivières de toutes les choses que je trouve pas correctes. Tu sais, dans les pancartes, il y a à Trois-Rivières-Ouest, un bar, un café aux copains, quelque chose du genre. C'est marqué 1-9. Tu sais, un 9, là, ouais. Avec un S à l'œuf. J'ai vu que c'est pas fort. C'est parce que c'était deux œufs avant, mais maintenant, ils sont cheapo puis marquent juste un 9. Ouais, mais là, quand même, là, si pour les gens qui connaissent le copain, là, c'est triste pour lui, mais tu sais. Faut pas trop y en demander. T'sais, ou sinon, juste à côté de l'université, la vitrerie. Là. Vitrerie quelque chose, là, au coin en avant du chiche kebab. Là, OK. Du Altaouk. Ouais, il ouais. Y a des points sur les I majuscules. T'sais, non, pas des I, non. Ou encore, ils vont mettre un magasin d'ordinateurs encore à Trois-Rivières-Ouest. C'est marqué genre, t'sais, ils font des réparations au pluriel, ils font des installations au pluriel, mais ils vendent des moniteurs au singulier et des imprimantes au singulier. Tu vends-tu juste un écran? Un imprimante? Ben, tu vois, ça, c'est des choses que je remarque tellement pas. Ben, moi, c'est ça. Moi, j'ai un problème d'obsessivité compulsive, c'est ça que je remarque dans la vie. C'est ton toc. Faut pas être moi. Non, mais pire, quand même pire, là, je veux dire. C'est acceptable, là, comme trouble obsessif, là. Ouais, mais ça doit être gossant d'être autour de moi quand je pointe des choses comme ça dans la vie. Ouais, c'est sûr. Sérieusement, j'ai fait un trajet de bus de Trois-Rivières-Ouest jusqu'à l'université ici, puis j'ai remarqué sûrement 6 ou 7 affaires. Je vais les prendre en photo, je vais faire un blog avec ça. Il me restait qu'à trouver un nom pour le blog. Non, mais fais-le, moi je suis bon pour trouver des noms, fait qu'on va faire équipe. Oui, t'es bon pour trouver des noms, on en parlera dans le prochain bloc. Okay. On parlera de dauphins. OK. OK. Au hasard, comme ça, ouais, de dauphins. Okay. Je sors ça de mon chapeau magique, de Total Magique. D'accord. On s'en va entendre aux positions numéro 6 du côté anglophone, c'est Millen Collin avec Done Is Done qui monte de 4 places. Et du côté francophone, c'est pas Merlot avec la pièce J'aime pas qui monte d'une position. Ah, j'aime ça quand tu dis ça comme ça. On dirait un dauphin. Ouais. Sous mes yeux, le plus laid tableau, plus jamais au bord de l'eau. Que de mystère autour de la terre, à ce nom qu'elle en a défaire. Tournez trois fois votre langue avant que tout ne tremble. Les gens sont violents, on recherche l'argent. De vrais tyrans des abous portants. Sur nos paysages, résultat de notre passage. Que de voitures pour la nourriture, laissez à ceux qui triment dur. Nous glissons vers le fond, allez, un peu de communication idéologique, un code d'éthique, de bonne musique pour fuir le tragique. Hey, hey, hey, hey. J'aimerais n'avoir jamais vu ce que j'ai vu. Je n'ai pas trop bu, certainement pas fait d'abus. Je suis très têtu, vraiment loin d'être abattu.

Done is done de Millen Collin qui monte de 4 places de la 10e à la 6e anglophone. Et du côté francophone, c'était pas Merlot avec la pièce J'aime pas. Tout à fait. Pris par surprise. C'est de même qu'on aime ça. Ouais. Drette d'un dent. Tellement vif comme l'éclair. Vif comme l'éclair, oui. C'est une belle expression, ça. Ouais. Moi, j'aime ça, des expressions comme ça. C'est comme une autre expression que j'entends tout le temps, là. Respecte les dauphins. Hein? Ben, on entend tellement souvent ça. À tous les jours. Ouais. Et là, vous allez l'entendre à toutes les semaines dans l'émission Respecte les dauphins avec Kiwan qui commence la semaine prochaine. Oui, c'est jeudi prochain, le 5 juin. Une nouvelle émission dans la case du retour, si on peut l'appeler ainsi, la case horaire du retour. C'est de 16h à 18h. Ouais. Les jeudis, donc c'est une émission du retour, je dirais, culturelle qui va parler de l'actualité culturelle en Mauricie. Et puis, évidemment, c'est sûr que le concept principal de l'émission, c'est qu'elle respecte les dauphins. Donc, c'est sûr qu'il n'y aura aucun dauphin qui sera maltraité dans chaque émission. Et puis, je vais recueillir les dons du public dans le but éventuel de pouvoir me payer ma dauphinoplastie. Ah, donc, dauphinoplastie. Ouais, c'est ma chirurgie qui va faire de moi un dauphin. Ah, bon. Il y en a moins. Ben, tout à fait. Ben oui. Oui, tout à fait. Rien d'autre à dire. C'est pas tellement là. Donc, est-ce que ça veut dire que tu laisses la dernière porte à gauche tomber? Non, la dernière porte à gauche va continuer à être diffusée, mais je ferai plus d'émission originale. Ça va être seulement des rediffusions. Non, c'est pas vrai. La musique émergente de 3 ans. Ouais, c'est ça. Non, la dernière porte à gauche continue tous les vendredis 20h. Et puis, ben c'est ça. Respecte les dauphins tous les jeudis à 16h. Une émission eco-friendly? Oui, tellement. Oui, bon. Mais on aime ça. Donc, c'est les jeudis à 16h. On rappelle les lundis à partir de 13h. Apparemment, c'est ce qu'on me dit. Donc, ça va être très bon. Respecte les dauphins avec Kiwan. Ça va nous suivre les jeudis après-midi, donc juste après les palmarès. C'est fou. Donc, quand tu vas faire ta petite plug du vendredi soir, tu vas pouvoir plugger l'émission qui va suivre la rediffusion aussi. Ça va être super beau. Ça va être tellement thématique. Ça va être bien en faire. On aime vraiment ça. Là, on est en train, nous, de jaser, là, d'apostrophes. Ouais. Oui, entre autres. De choses comme ça. Comment ça s'appelle, donc, les points sur les... Des titles. Des titres. En anglais, des titles. Je suis en train de dire à Kiwan que je suis membre de plusieurs blogs. T'as Apostrophe Abuse, hein, pour les gens qui abusent des apostrophes en anglais. Les abuseurs d'apostrophes. Absolument. On les appelle aussi comme ça. Les abuseurs. Ou des prêtres. Ensuite, t'as Grammar Blog, qui est un blog pour la grammaire, qui corrige la grammaire. T'as Literally a Weblog, ça c'est les gens qui surutilisent le mot littéralement. C'est comme je suis littéralement mort de rire. Tu peux pas être littéralement mort de rire, ça voudrait dire que tu serais mort à terre. Mais on voit tellement ça dans les journaux, dans les magazines, le mot littéralement utilisé à tort et à travers. Lowercase L, pour des L minuscules dans un texte en majuscule, on voit ça tout le temps. T'as That's Funny, qui est un blog sur les jeux de mots. C'est That's Funny, pun, c'est un jeu de mots. Ok, pony, that's pony? Pony, pun. Un pun, ça veut dire que c'est un jeu de mots. Ok, ok, je pensais que c'était un jeu au baseball, je sais pas trop. Non. T'as The Blog, entre guillemets, of Unnecessary Quotes. Entre guillemets. Ouais, c'est ça. Ça, c'est pour les gens qui surutilisent les guillemets pour n'importe quoi, tu sais. Mais ça prendrait aussi un blog pour ceux qui surutilisent les guillemets gestuels. Comme je viens de faire en ondes. J'aime ça. Moi, j'aime les rock quotes. Oh, oui, c'est comme une variante. Une variante, vous le voyez pas, mais ouais, avec les... C'est assez dur à décrire. Le petit doigt puis l'index de chaque barre, ça fait des rock quotes. Ouais. Yeah! Yeah! Et puis, t'as why a title? Parce qu'un title, en anglais, c'est le point sur le i. Mm. Why a title? Bon, l'abréviation, c'est tit, je pense. Ouais, je pense que c'est ça. Ouais, why a tit? Why a tit? Ben, parce que c'est le fun. Ben, voilà. Parce qu'on aime ça. Donc là, maintenant, le but, c'est de trouver un titre pour ton blog, Mathieu. Oui, mon blog où je vais corriger les fautes dans les pancartes trifluviennes. Est-ce qu'on fait un concours? Ah oui, faisons un concours. Les gens pourraient appeler s'ils ont des suggestions à te proposer pour ton blog. Absolument. Faites-le au 819-376-5183 si vous nous écoutez en direct le vendredi soir. 819-376-5183. On attend vos appels. Et parlant d'interactivité, allez sur le www.unechance.com pour retrouver l'adresse pour me rejoindre par courriel électronique. Courriel électronique. C'est un petit peu répétitif, hein, redondant. Ouais, courrier, je pense qu'on va faire un blog là-dessus, ceux qui disent courriel électronique. J'aime ça. Moi, j'aime les gens qui disent courrieler. Courriel-moi, madame. Oh yeah. Il y a aussi là-dessus le numéro de téléphone et puis une section commentaires à chaque émission. Vous pouvez nous laisser des commentaires. C'est tellement le fun. Vous pouvez aussi télécharger la balado-diffusion à MP3 chaque semaine et savoir ce qui va jouer dans Écoutons la don, la chanson, tous les soirs et les liens vers tous les articles qu'on mentionne. Donc, c'est un ramassis d'informations. Ouais, c'est le fun à consulter. C'est une belle place. Je le fais régulièrement.

merci à notre auditeur Pierre qui m'a suggéré le nom C'est votre faute. C'est bon. C'est pas pire, hein? C'est, ouais. C'est des finalistes. Ouais. On y réfléchit, mais c'est bon! On continue à prendre les suggestions. Ouais. C'est la fin de la deuxième heure des Palmarès C'est fou, donc on va faire un résumé des positions 9 à 5. On commence avec le côté francophone. Côté francophone, la position numéro 9, c'était Carquois avec La Façade, pour, qui a remonté beaucoup. C'était la nouvelle entrée la semaine passée en position numéro 15, et c'est la position numéro 9 cette semaine. La position numéro 8, Chocolat, moitié homme, moitié loup. La position numéro 7, Éléphantine, en attente d'un moment présent. La position numéro 6, Pomerleau avec J'aime pas. La position numéro 5, c'était Bonjour Brumaire, qui, eux, étaient à la position numéro 1 la semaine passée. Donc, ça veut dire qu'on va avoir un nouveau numéro 1 francophone cette semaine. Du côté anglophone, la 9e, c'est Flight of the Conchords avec Foodoo Fafa qui monte la 14e. En 8e, c'est Stay Free de Black Mountain. En 7e, l'ancien numéro 3, Death to Los Campesinos de la formation Los Campesinos. En 6e, c'est Men on Conan avec Done is Done. Et en 5e, plus 2 pour The Kooks avec Always Where I Need to Be. Restez avec nous parce que dans la 3e et dernière heure des palmarès, il va y avoir... entre autres, The Cat Empire, Supergrass, Man Man, Teenage Head, Radio Radio, La Descente du Coude, Plasticine. Et un paquet d'autres conneries parce qu'on va niaiser d'ici la fin de l'émission. Il reste encore une grosse... Non, on fera pas ça. Jamais. On fera pas ça. Allez voir le www.unechance.com pour tous les liens d'émission d'aujourd'hui, pour écouter la balado-diffusion des émissions précédentes. Et allez voir le site de C'est Fou, le cfou.ca, pour en savoir plus sur l'émission, pour connaître les heures de rediffusion, parce qu'on est en direct les vendredis soir à 17h, mais aussi en rappel les mercredis à 16h. Et notez la nouvelle heure du jeudi, qui est à partir de 13h maintenant. Oui. Les Palmarès C'est Fou sont de retour dans 2 minutes, donc faites attention à vos genoux d'ici là. Directement des studios du 89 FM à Trois-Rivières, voici ceux qui animent littéralement les panoramas. C'est fou, Kiwan et Mathieu. Oh, que j'aime la voix de cet annonceur! Même s'il n'est pas dans le temps, tu sais, il rentre pas vraiment dans le beat de ce qu'il faut faire. Ouais, je pense qu'ils l'ont pris. Ouais. Ben, dans un pet shop. Littéralement. Littéralement dans un pet shop. Ah oh, oui. Troisième heure des palmarès si fou pour la semaine du 30 mai au 5 juin 2008. Il s'appelle Kiwan Ray, comme tu l'as dit. Et il s'appelle Mathieu Plante. Et vous êtes les palmiers. Oui. Oui. Pas des dauphins, toi t'as tes dauphins. Ouais, je vais essayer de me monter un crew de dauphins. Un crew de dauphins. A dolphin crew. Ouais, c'est ça. Is in the house. On pourra faire des. On pourra faire des compétitions, là, je sais pas. Là. Je sais pas à quel niveau un dauphin et un palmier peuvent s'affronter, là, mais bon. C'est comme les ninjas et les pirates, tu penserais pas qu'ils peuvent s'affronter, mais ils peuvent. Ah, ils vont toujours trouver un moyen, c'est ça. Et c'est toujours les ninjas qui vont gagner. Toujours. Et c'est toujours les dauphins qui vont gagner. Ah, excuse-moi, mais oui. Contre les dauphins, contre les pirates ou contre les ninjas? Je sais pas. On s'enfonce. Hein? On verra. Verra. On verra, verra. On verra dans les radios. On est rendu aux quatrième position du côté anglophone. C'est Supergazon avec Bad Blood qui descend de 3 places. C'était le numéro 1 la semaine dernière sur Supergrass. Et du côté francophone, c'est Radio. Radio avec Cliché Hot. Hey, le succès de votre été, ça. Ah, je l'avais prédit, moi. Ben oui, t'as toujours raison, toi. Radio, radio. Toi pis les dauphins, je vous prospecte pas. Yo, cliché hot, cliché hot. J'écoutais les palmarès, c'est fou, 89 fois. Cliché hot, cliché hot. Cliché hot. Cliché hot, je me réveille, cliché hot dans mon lit. Prends ma promenade, puis j'ai vite compris. Cliché hot, la nouvelle mode qui rend ta vie, petite culotte, porte chartelle aussi. Cliché hot, personnage et vivre au ciel compris. Cliché hot, la mode à elle ou la mode à lui. C'est cliché hot, t'es compliqué d'un cliché hot, t'es conflit. Cliché hot, c'est la mode, celle-là qui est pas consortie. Belle fille qui rentre dans la place, c'est si jolie. Elle pime ses orteils, vêtements, puis sa face aussi. Cliché hot, c'est lui dire, tu la vois dans ton lit. Cliché hot, un sourire, puis elle te dit, moi aussi. Pas capable de voir le cliché, vos copes. Tu sais qu'est-ce qui est cliché? Mon popsicle, une frappe, deux frappes, troisième frappe aussi. Pas besoin de prescription, ta première frappe est free. Ice cream, you scream, tout le monde veut de l'ice cream. Le ice cream man, t'as des flavors dans la van. J'ai dit ice cream, you scream, tout le monde veut de l'ice cream. Le ice cream man, t'as des flavors dans la van. Une frappe, deux frappes, troisième frappe aussi. T'as pas besoin de prescription, ta première frappe est free. J'ai dit une frappe, deux frappes, troisième frappe aussi. T'as pas besoin de prescription, ta première frappe est free. Yo, cliché hot, cliché hot. Cliché hot, cliché hot, cliché hot, hot, cliché, cliché hot, city hot, city cliché, cliché hot. C'est qui fait des dutchy dutchy coucou mon dot. City hot, city cliché, cliché hot. C'est qui fait des dutchy dutchy coucou mon dot. Je veux pas te mettre sur le spot, mais t'es cliché hot. Porte une skirt dans l'hiver, comme une forme de pomme de terre. Look at that, check le Gino pour la l'air. Chemise ouvert, et tiens 20 pièces, va t'acheter du nerf. Une grosse moustache comme Magnum P.I. C'est le stéréotype, oui c'est cliché hot. Le gangsta, oui t'es gangsta. Pimp chain, BB gun dans les vidéos. Cadillac avec un corps ou dans le coffre. Qui sait la main du flic, ça c'est chic. Original, le seul qui pense de faire ça. Ouh, regarde ça, des tubes sont petites culottes. Avec un nom Wesley dans l'élastique. Des rimes faites en plastique, ouh c'est fantastique. Déjà vous, comment allez-vous? I'm together with a view. La cliché hot madame avec le tube top. Parfaite combinaison, faite pour la saison. Faites sans raison. Cliché hot, cliché hot. C'est quoi ce cliché, mais c'est cliché hot. Cliché hot, cliché, cliché hot, cliché. Arrache ta chemise, bitch, t'es cliché hot. Cliché hot, hot, cliché hot. C'est cliché hot, c'est cliché hot. Cliché hot, hot, cliché hot. C'est cliché hot, c'est cliché hot. Cliché hot, hot, cliché hot. Cliché hot, hot, hot. Je veux pas être battu le spot, but des clichés hot. Urban style turn fit, y'a des femmes qui te cassent avec la levier flat. Comme un changement de nom, 3 jours à la mode, 4 jours d'étude. So, écoute le sound qui dit que t'es bon. Je te dis que t'es bon, c'est ça qu'ils veulent. Positive reinforcement pour les enfants. Oh, jet never mind, le boss dit non. Le monde refuseront, le rejecteront, le traduiront, puis ils finiront à l'entendement. Jusqu'ils l'acclameront et l'écouteront, et diront que parce qu'ils l'aiment. Oh, ouais, y'a ta grace, c'est ta mon favorite. Révolutionnaire, il faisait vraiment de la suite. Rien qu'une fois que t'es gone, que tu seras venu. Ton image à la mode, même si personne t'a vu. Un récent, tout le monde le veut. Un récent, tout le monde est né. Un récent, tout le monde le voit. Un récent, tout le monde est là. Un récent, tout le monde le veut. Un récent, tout le monde est né. Un récent, tout le monde le voit. Un récent, tout le monde est là. Supergrass et Bad Blood, l'ancien numéro 1 anglophone qui est maintenant en 4e place. Et juste avant ça, on avait entendu Radio Radio avec Cliché Hot qui est à la position numéro 6 la semaine passée. Belle prédiction de ta part hein, de dire que ça allait être un succès, là, ça. Ouais, ben c'est en route vers le sommet. C'est pas mal Cliché Hot, ça, pour c'est eux autres. Cliché Hot. On aime ça. J'ai entendu aussi récemment la pièce Tooney. C'est ça, tuné. Et puis, Ben, c'est bon, ça. Ouais. Je sais pas si c'est ça le nom de la toune, mais en tout cas, il parle de tuné, puis ça veut dire quelque chose au Nouveau-Brunswick. Ça veut dire avoir un bon moment, passer du bon temps. Un peu comme quand on écoute les palmarès, c'est fou, ça. À chaque fois. Ouais, c'est redondant tellement c'est le fun. Moi, ça me surprend à chaque fois. Je suis comme toujours étonné de passer autant de bon temps. Estomaqué. Tout le temps. Littéralement estomaqué. Ouais, rock quotes. Ouais. Yeah. Pas le faire, j'ai une feuille des mains. C'est la thématique aujourd'hui, pour ceux qui n'ont pas compris, là, c'est la thématique littéralement et rock quotes. On parle grammaire aujourd'hui, on est très très nerd. Oui. Parlant de nerd, parlant de redondant, parlant de bons moments qu'on a passés, je fais une petite parenthèse pour les gens qui nous écoutent depuis longtemps. Hein? Tu sais, ça fait vraiment longtemps que vous écoutez les nouveaux Palmarès C'est Fou depuis peut-être 2004-2005. On fait les nouveaux Palmarès C'est Fou avec moi. Il y avait Marie-Ève Raymond qui co-animait avec moi pendant un bon moment. Ah oui, c'est vrai. Je suis en train de parler avec elle. Il s'en passe des choses dans sa vie. Elle travaille en coordination marketing à Montréal. Elle fait du parachute la fin de semaine. Elle va à l'université. Bien, bien occupée, cette fille-là. Marie-Ève Raymond. C'est pour ça qu'elle est plus ici. Même qu'on parle d'elle à la radio. Tellement. Ouais. Ça veut dire que c'est quelqu'un d'important, ça. Ben oui. Elle a marqué l'histoire des palmarès, c'est fou. Oui. Mm-hmm. D'accord. Avec Cynthia Paquette-Grenier dans le temps. Oui. Maintenant, c'est Kiwan et Mathieu qui animent. Ouais, c'est une autre époque. La roue tourne, le cycle de la vie. The circle of life, Kuna Matata. Ouais, le Roi Lion. Ouais, c'est le Roi Lion, c'est bon ça. As-tu vu le Roi Lion 1,5? Non, j'ai pas vu ça. C'est moi non plus, mais j'ai entendu parler puis je veux le voir. C'est le Roi Lion, mais vu des yeux de Timon et Pumba. Ah, ça existe pour vrai ou oui, c'est... Oui, pour vrai. Oui, ça a été directement sur DVD par exemple. Ah, c'est bon. On comprend pourquoi peut-être, en le regardant. Ouais, ça donne un indice, mettons. Un petit peu. Hey. Avant de passer à nos prochaines positions, je réalise que je vous ai promis quelque chose et comme toujours, mes promesses, ça tient pas à grand chose. T'es-tu d'accord? Ben quand même. Quand même. Alors, on va regarder ce qui se vend, en fait, ce qui s'écoute le plus dans les radios universitaires et communautaires du Kiné-Né du Canada. C'est vrai que ça faisait longtemps que tu l'avais promis parce que j'étais pas là. Quand c'était au début de l'émission. Selon Earshot Online, earshotradioonline.com, en 10e position, on retrouve nos bons amis de chez Los Campesinos. Oh. Mm-hmm, ça, c'est pas canadien, par contre. En 9e, c'est canadien Crystal Castles, les copieurs, apparemment, qui volent la musique des autres pour les faire passer sous leur propre nom. Leur album est éponyme. Ouais, ça a pas été... ça a été prouvé, ça, finalement? Ou on c'est des rumeurs. Ça. C'est au stade de rumeurs. C'est pas au stade Uniprix. D'accord, on s'en tient à ça. Voilà. On les accusera pas de rien. En 8e, c'est No Age avec leur album Nouns. En 7e, on les aime aussi, ils sont sur nos palmarès à nous, c'est Flight of the Conchords avec leur album éponyme. En 6e, c'est Tokyo Police Club avec Elephant Shell. En 5e, Teenage Head with Marky Ramone qui est aussi sur nos palmarès, ça c'est canadien. En 4e, c'est Portishead qui est le numéro 1 présentement du palmarès électronique, si je me rappelle bien. En deuxième position, pas en première. Chez nous. En 3e, c'est The Black Keys avec Attack and Release. En 2e, Islands, formation canadienne avec Armsway. Et en première, c'est The Constantines, aussi canadien avec Kensington Heights. C'est drôle qu'on n'a pas encore reçu ça, c'est fou, je crois pas. Ouais, Islands, on n'a pas reçu ça? Non plus, hein? Bizarre. Ça pourrait être sur nos palmarès. J'ai hâte d'entendre ça. Ah, attends, non, Islands, on l'a eu, je crois. Ouais. Allez voir dans la discothèque. Donc, ça, c'est pour la semaine qui se termine le 27 mai. Selon Earshot Online, c'est le top des CD les plus écoutés dans les radios universitaires et communautaires. Nous, on retourne assez fou dans notre domaine, tu sais, hein? Tu sais, ce qu'on connaît, genre. Du côté anglophone, la position numéro 3, c'est Teenage Head with Marky Ramone, dont on parlait justement. Leur pièce s'appelle Top Down. Ça monte de la 9e à la 3e. Et la position numéro 3 francophone, c'est ma pièce préférée du palmarès. C'est l'album que j'écoute toujours ces temps-ci. C'est La Descente du coude avec la pièce Hobby. Tout de suite dans les palmarès, c'est fou au 89.1 FM. J'ai tout plein de hobbies dans ma biographie. Mon CV est une page jouée. Je me cache dans des cratères, des évasions lunaires, en orbite autour des critères de sélection. Je monte de terre à terre. En orbite, tout bien entendre. Je suis à l'ordinaire dans l'opprobre. Je roule ma balle dans le talot. Le secrètement secret des souhaits muets me confie au silence qui passe. Les mots tu les mordus, les sept tours de langue. Le tourbillon de la parole, du sage, universel reportage. Ça va, ça va, ça va, la vérité en marche. En orbite ou bien en dort. Je suis à l'ordinaire dans l'opprobre. Intérêts ont bientôt fait Angel with Marky Ramone avec Top Down en troisième position anglophone. Et juste avant ça, du côté francophone, c'était Hobby avec la descente du coude. Oui, c'était bon cette troisième position là. Oui. Il nous reste les deuxièmes et les premières. Qui, ouais, c'est triste. Mais avant ça, on va regarder ce qui se passe le plus au Canada. Au Canada. Les CD les plus vendus au Canada la semaine dernière pour la semaine qui se termine le 29 mai selon Nielsen SoundScan. En 25e position, une nouvelle entrée Reggae 2008. Une compilation, d'accord. En 13e, Foxborough Hot Tubs avec Stop, Drop and Roll. En 12e, un nouveau CD de notre idole, toi et moi, j'en suis certain, Daniel Desnoyers. Oui. Rockroads. Avec l'album Summer Session 2008, je pense qu'il en sort à peu près un par mois. Et puis son émission à Énergie sert vraiment d'infopub. C'est vraiment nul à écouter, ça. Ah, tu vois, je savais pas. Ben, faut juste l'écouter pour rire du fait qu'il arrête pas de plugger son album à chaque tune. On dirait que chaque tune qu'il joue dans l'émission se retrouve sur son album, tu sais. C'est quoi, c'est un CD de 92 millions de minutes? Ben, c'est ça la fonction de faire des albums, en fait, c'est de fournir son émission de radio. J'aime ça. Ensuite, on monte à la troisième position pour retrouver la prochaine nouvelle entrée. C'est le nouvel album de Three Doors Down. Troisième, dernière porte à gauche. Oh, thématique ici. En deuxième, c'est stable, Hard Candy de Madonna. Et en première place, c'est une autre nouvelle entrée, Sam Roberts et Love at the End of the World. Oh, ça, c'est bon. T'aimes ça? Je connais pas. Ouais, Sam Roberts, c'est bon. Je connais pas du tout. Là, j'étais en train de chercher, parce que j'ai regardé les paroles de la pièce Cliché Hot de Radio tantôt, parce que je voulais faire un comprenant là-dedans la chanson. Et je réalise que même en disant les mots, vous allez pas comprendre. Hein? Mais on va essayer quand même. T'as entendu? Ok, c'est presque une traduisons la question, là, la chanson. C'est plus compliqué que ça en a l'air à faire. Donc, j'irai pas avec les paroles parce que ça va être trop compliqué, je vais juste les lire comme ça. Donc, Cliché Hot, je me réveille Cliché Hot dans mon lit, prends une marche promenade, puis j'ai vite compris Cliché Hot, la nouvelle mode qui run ta vie. Petite culotte, porte jartelle aussi. Cliché Hot, personne âgée. Vivre au ciel compris. Cliché Hot, la mode à elle ou la mode à lui. Si Cliché Hot étant compliqué, then Cliché Hot est le conflit. Cliché Hot, c'est la mode, celle-là qui n'est pas encore sortie. Belle fille qui rentre dans la place est si jolie. Elle pimpe ses orteils, vêtements, puis sa face aussi. D'autres extraits. Mon popsicle. Sais-tu quoi c'est qui est cliché? Bon, mon popsicle. Une frippe. C'est pas frite, c'est frippe. Ah, c'est frippe. Ouais, je sais pas ce que ça veut dire, mais quand même. Une frippe, deux frippes. Vous avez peut-être compris le reste. Ensuite, on saute plus loin. Ice cream, you scream. Tout le monde veut de l'ice cream. Arrache ta chemise, bitch. T'es cliché hot. Je veux point. Tu mets sur la spot. Bot, t'es cliché hot. Urban style, trend fit. Yeah, des femmes qui tricotent. C'est des extraits de paroles de Cliché Hot. Ben, tu sais, au début, malgré que c'était dans un drôle de style, on comprenait quand même le sens. On comprenait le message. Mais vers la fin, ça se gâte un peu, hein? Vraiment, là, ça a comme plus rapport. Ah, tu viens de Riverview. OK. Des rimes faites en plastique, des tube socks. Oh, jette Nevermind, le boss dit non, le monde refuseront. Donc, c'est de l'absurde. C'est sûr que sachant que la pièce est Cliché Hot, puis qu'on parle de clichés, puis de gens qui sont un peu superficiels, donc on peut comprendre un peu là, les derniers termes, mais finalement, c'est presque une leçon de chiac. Exactement, c'est ça. Il faudrait qu'ils postent la définition de chacun de leurs mots. Ouais, comme ça, on pourrait se pratiquer après, puis intégrer les nouveaux mots dans notre vocabulaire courant. Tous les jours, mais oui. Ouais. Allez voir laradioradio.com pour plus d'informations sur le groupe. Ça vaut la peine. C'est Cliché Hot, l'album de Radio Radio. Oh yeah. Prochaine position qu'on s'en va entendre, nous, c'est les deuxièmes du côté anglophone, c'est The Cat Empire avec So Many Eyes qui monte de 4 places. Et du côté francophone, c'est en position numéro 4 la semaine passée, ça monte tranquillement. Ça s'en va vers la position numéro 1, ça fait 7 semaines que c'est sur le palmarès. C'est Macken Kudzapo avec la pièce Miss Parano. On s'en va entendre dans quelques secondes. Je vous rappelle d'aller voir leunechance.com pour toutes les informations sur l'émission parce que vous savez quoi? On travaille sur ce site-là, faut bien quelqu'un y la voir. Ben. Jean. Hein? Hein? Ça, je me dis. T'as rien à dire de plus. Hein? Miss Parano. De Macken Kudzapo. Des fois, c'est mieux de juste rien dire. Retour à la musique de Cat Empire et nos numéro 1 au palmarès, c'est fou. 89 FM. It doesn't matter what I say, it doesn't matter what I do, it seems I'm gonna have to change my look for you, cause well, I've got two shoes but they've been walked too far. And I think that we could float from evening to the stars. When I see you in the distance with your friends, I look around and I look down at my threads. eyes. Went to the barber, got my hair cut high. When I bought a ticket for the opera tonight. But when I see you, your father said your pride. It's nice to greet you with an interrupted stride. Besides, you say good evening, you don't say good. So Many Nights en deuxième position anglophone, ça monte de 4 places. Et la position numéro 2 du côté francophone, c'était Maken Kudzapo. Ça prend toujours la feuille pour dire ce nom-là, faut que je le lise. Je suis pas capable de m'en rappeler, c'est quand même complexe. La pièce était Miss Parano. Je pense qu'il n'y a pas d'accent. Hein? Ah non, celui-là, que... je serais littéralement perdu. Rock quotes. Ouais, s'il y avait des rock quotes en plus. Là, dans le nom, là, wow. Ouais, les limites. Bon. On est rendu au numéro 1. Avant ça, je vais vous dire qu'un petit peu plus tard, dans quelques minutes, on va balayer le plancher. C'est ce que ça veut dire, ça, Kiwan? Ouais, ça veut dire que faut que je m'active. Oui, c'est ça, parce que la fin de l'émission s'en vient, puis la tune va commencer après. C'est ça. Ouais, puis le plancher il est vraiment sale. Donc. À ce qui paraît qu'on va le faire cirer bientôt. Le plancher? Ouais. Ouais. Cool. Mais nous, c'est pas ça qu'on va faire tantôt. On va parler de gens stupides qui font des choses stupides. Assez parler de plancher dans nos planchers Breaking News! Breaking Plancher News. Comme on avait les poutines news. Ouais, c'est ça, ouais. On pourrait avoir un bulletin spécial à chaque semaine. Ouais, ce serait pas pire. Ouais. On voudrait se faire un vrai thème à chaque semaine. Non, ce serait compliqué, là. Hey, Colin! Tout le monde est sur le chômage, c'est fou l'été. Ouais. On va aller entendre le numéro 1 tout de suite. Mais vous savez qu'on ne les mentionne pas par nom. Mais on fait des jeux de mots. Il y en a qui font de la bicyclette, il y en a d'autres qui font des jeux de mots. Chacun ses activités. Il y en a qui se pognent les Asies. Donc, ils font des jeux de mots. Oh, pas pire, hein? C'est comme de la plastine. Wow. Ça, c'est un petit peu trop, par exemple. Les mecs font des... Et surtout, le geste, une chance que... Le geste est vraiment trop, je pense. Comme les rock quotes à la radio, c'est pas pire, on les voit pas, mais tu peux t'imaginer trop l'autre, là. Ouais, ben moi je veux même plus que me l'imaginer. Je l'ai vu, là, c'est les paniers sont chanceux, ils peuvent juste se l'imaginer, puis ça les sauvegarde un peu de... Sauvegarde? Ah, non, c'est pas le bon mot, ça les préserve. Ça les préserve. Préservatif, tu veux dire? Hein? Ouais, c'est ça. Ouais. C'est encore dans le thème des numéros 1, ça? Ben, je pense que oui. Je pense qu'on s'éloigne un peu, mais tu sais, il y en a qui touchent leur zazie. Ouais. Hein? D'autres qui le prennent pour de la plastine. L'autre qui le prennent pour du beurre ou des petits pois. Il y en a qui se baladent avec leurs petits pois de beurre. Petits pois de beurre, j'ai des petits pois de beurre résidus. Sur leur bicyclette. Oui. Quand ils disent, ils se font comme ils prennent une roche à un moment donné. Okay? Okay? Ben, avant de se balader, ça, comme, ils prennent une roche. Poing. Puis ils font comme man, man. Ça leur fait mal. Man! Hein? Je pense qu'on a fait le tour. Ouais, c'est pas vrai, là.

Et voilà, ça c'est nos numéros 1 dans les palmarès, c'est fou cette semaine. Mais avant de dire les numéros 1, on va faire un résumé des 4 premières positions de chaque côté en commençant par le francophone. Alors la position numéro 4 du côté francophone, c'était Cliché Hot de Radio Radio. La position numéro 3, c'était La Descente du Coude avec Hubby. La position numéro 2, Miss Parano de Macken Kodzapo. Et la position numéro 1 qu'on a entendu juste avant la dernière pièce, c'était Zazie fait de la bicyclette de Plasticine. Ça montait quand même vite, c'est seulement la 5e semaine que c'est sur les palmarès. Bravo, ça pédale vite ça. Ça pédale vite. Du côté anglophone, la 4e position, c'est l'ancien numéro 1, Supergrass avec Bad Blood. En 3e, ça monte de 6, Top Down de Teenage Head with Mark Ramone. En 2e, ça monte de 4, The Cat Empire. Ça monte de 4 places, Cat Empire. Ça vaut un jeu de mots, ça. So Many Nights, c'est le nom de la pièce et de leur album, mais le numéro 1, ça monte d'une place, c'est Man Man avec The Ballad of Butterbeans. Et là, je cherchais un petit peu pour toi, Kiwan. Butterbeans, c'est ce qu'on appelle en français une fève de lima ou un haricot de lima. Ouais. OK. Ben, c'est une sorte de fève. Ouais, je suis vraiment pas instruit, moi, les fèves, là. En anglais, ils appellent ça des légumes. Légumes. Mm. Les autres, c'est pas des légumes, c'est autre chose. Ouais. Son nom, en vrai, c'est Phaesolus lunatus. C'est complexe, le nom de la bine, quand même, hein? La bine, c'est ben compliqué. OK, donc, tantôt, on va balayer le plancher. Et ce qu'il nous reste à faire, pour l'instant, c'est des activités parascolaires, parce qu'il nous reste environ une quinzaine de minutes. On va avoir le temps d'entendre plusieurs affaires, dont du Feu Thérèse, que tu vas me faire découvrir. Oui. On va aussi entendre du Dandy Wynn avec Balloon Factory. Ça date de quand même il y a quelques temps, c'est sur le palmarès. Mais on commence avec un autre de tes choix, c'est Buck 65. Oui, c'est l'album que j'écoutais en boucle jusqu'à tout récemment, jusqu'à temps que La Descente du Coude arrive dans mon cœur. Oh. C'est eux qui ont pris la place de Buck 65. T'es un grand romantique, toi. Hein? Oui. Oui. Les voici avec 1957. Ouais. De l'album Situation, Buck 65. Écoutons-la donc. La chanson. Generation destroyed, devoid of conviction, conflicted, annoyed, kicked at and worn down 666 beat, looking for the next quick fix. Unpopular prophets with problems, up against angels in disguise who want to rob them. They didn't want to end up crushed by God's embrace in the age of the cold wind blowing and dogs in space. Faces are fading, they're the loneliest drunk. Empty rooms haunted by Thelonious Monk. Felonious punks in plate glass squares that see empty eyes that look straight past theirs. Street walking cheaters with a gun in each hand who are lost at sea and are desperate to reach land. Orpheus descending, swimming in the crooked waters. Hello, Sid Vicious, goodbye, Brooklyn Dodgers. No joke, hit the low note. We all go to heaven in a little rowboat. Like, no joke, hit the low note. We all go to heaven in a little rowboat. Like, no joke, hit the low note. We all go to heaven in a little rowboat. Like, no joke, hit the low note. We all go to heaven in a little rowboat. Like 57 1957, Chevy Bel Air interior, Velvet specially, Bloody Prolly, Stereo, Buddy Holly, Elvis Presley, Black Flame Trilogy, quadruple outer base, battle sites, Little Rock, satellites in outer space, words won't help, but a few bucks can, crew cuts in black leather, Ku Klux Klan, men wear hats, in fact harems are shared, opiates addicted to and parents are scared, the underground is real, deliver greens to River Queens, perpetual motion of free thinkers and libertines, suffer alone all night with pains, hooked on drums in a fight with chains. It's Faulkner and Baldwin, insult and curse reality. Spy versus spy and the cult of personality. What can the numbers and the words in my head mean? Kilroy was here and so was Buster Crabbe and Ed Gein. No joke, hit the low note. We all go to heaven in a little rowboat. Like, no joke, hit the low note. We all go to heaven in a little rowboat. Like, no joke, hit the low note. We all go to heaven in a little rowboat. Like, no joke, hit the low note. We all go to heaven in a little rowboat. 1957. The pen keeps moving and attempt to sink the jingos. Fight 'em with hula hoops, frisbees and pink flamingos. Up running all night, late sleep ordered. Have gun, will travel, great leap forward. Man on a corner with dark glasses, free and preaching. Appetite is monstrous, diet is Dionysian. All over the world, so much peril in one show. Playwright Arthur Miller marries Marilyn Monroe. Hard rain falling, baby. baby sleeping in God's palms. Alarm clocks ringing, warrior monks and bomb squads. Invasion of the body snatchers, clairvoyants and mediums. Believers in nothing, speed freaks and bohemians. Red is the new black, identity files. Rebels and grand dragons, obscenity trials. Lolita and Bobby Fischer, country no part is red. Just black and white, Humphrey Bogart is dead. No joke, hit the low note. We all go to heaven in a little rowboat. Like, shh, no joke, hit the low note. We all go to heaven in a little rowboat. Like, shh, no joke, hit the low note. We all go to heaven in a little rowboat. Like, shh, no joke, hit the low note. We all go to heaven in a little rowboat. Like, shh, Danny Wynn avec Balloon Factory de son album Concrete Igloo. Et là, à chaque fois que j'en parle, que je la fais passer, je me dis que c'était sur les palmarès, mais je pense que ça l'a jamais été, en fait, compte. Faudrait vérifier. Ouais, j'ai cherché, puis non. Avant ça, c'était Buck 65. Oui, avec 1957. De son album Situation. Ouais. Situation. Maintenant, la situation est qu'on va parler de gens stupides qui font des choses stupides. Oui! Donc, notre tour du monde commence avec une femme mère d'un village français qui a été condamnée à 3 mois de prison avec sursis pour avoir vidé, sans informer la famille des défunts, un caveau du cimetière communal afin d'y enterrer son mari à la place. Mm-hmm. Marie-Madeleine Delacorte, maire d'Alain Mervilliers, un village de 300 habitants situé à une centaine de kilomètres au sud de Paris, a également été condamnée à une amende de 2 000 €, environ 3 000 $ canadiens, par le tribunal de Chartres pour violation de sépulture et atteinte à l'intégrité d'un cadavre. Elle a été jugée coupable d'avoir fait enterrer son époux dans un caveau appartenant à une autre famille après l'avoir fait vider et transférer les 4 dépouilles qui s'y trouvaient dans une fosse commune voisine. La famille des défunts s'en était rendue compte en août 2006 en venant se recueillir sur le caveau familial. À leur arrivée au cimetière, le caveau avait été remplacé par une dalle de béton sur laquelle étaient posés des bouquets de fleurs. S'étant renseigné, elle avait appris que leur caveau avait été ouvert et que les 4 dépouilles qu'il contenait avaient été inhumées dans la fosse commune du cimetière communal sans qu'aucune recherche familiale n'ait été réalisée par la communauté. Là, c'est pas pire, au moins, ils s'en ont rendu compte, là, comme ça, ils continueront pas à se recueillir toute leur vie sur les cadavres de quelqu'un d'autre qu'ils connaissent pas, tu sais, au moins. C'est un mauvais stone. Mais tu sais, au moins, elle a quand même gardé les corps, elle les a pas fait incinérer, ça aurait été encore pire. Qu'est-ce qu'elle a fait? On dit pas qu'est-ce qu'elle a fait avec, au juste. Ça, elle les a mis dans un autre. Un homme a écopé d'une amende en Nouvelle-Zélande pour avoir frappé un adolescent avec un hérisson. Un hérisson, oui. La victime a touché à la jambe, s'en est tiré avec une grosse marque rouge et des petits trous dans la peau. Le tribunal de Whakatane a condamné l'agresseur à verser 700 $ néo-zélandais ou 545 $ canadiens, dont 250 $ canadiens directement au jeune homme. On ignore la raison de cette violence et si le hérisson était vivant au moment du lancer. Le sergent Brooks Jenkins a en tout cas déclaré que l'animal était mort quand la police l'a récupéré pour les besoins d'enquête. L'accusation d'agression avec arme, en l'occurrence le hérisson, a été abandonnée. Elle aurait pu valoir jusqu'à 5 ans de prison à son auteur. Non, mais ça, il n'y aura pas d'accusation pour la violence faite envers le hérisson. Ça, je trouve ça dommage. C'est ça. Peut-être qu'il devrait faire enterrer le hérisson. Ouais. Question que quelqu'un ait C'est bizarre aussi. Est-ce que c'est prévu vraiment dans la loi, tu sais, l'agression au hérisson, si c'est écrit comme ça? Ou... Bizarre, quand même. Bizarre. Le hérisson. Ouais. Choisis quelque chose de plus violent. Ouais, ben j'ai jamais essayé, en fait, d'agresser quelqu'un avec un hérisson. Est-ce que les pics sont si durs que ça? Ouais, c'est ça, tu sais. Faudrait que je compare après ça pour savoir si, mettons, comparé à une pelle. Ah, ridicule. Nous, ben, c'est déjà la fin de l'émission pour cette semaine. Je regarde le temps aller et c'est la fin. Donc, on va se quitter avec une pièce que tu as choisie de Feu Thérèse. Oui. Peux-tu me la présenter? Oui, ben, tu vas me rappeler le titre. Visage sous nylon. Oui, voilà, donc c'est une pièce de Feu Thérèse. C'est un groupe que j'ai fait jouer quelques fois à la dernière porte à gauche. C'est quand même pas si accessible que ça comme son, mais moi j'aime vraiment bien. J'avoue que la première fois que j'ai écouté l'album, j'ai été un peu surpris. C'est quand même, ça demande quelques écoutes là, pour l'apprivoiser, cet album-là, mais vraiment, ouais, c'est la pièce qu'on va aller écouter là. Ben, c'est un bon choix. J'ai hâte d'entendre ça, je vais m'habituer au son, puis je t'en donnerai des nouvelles. Qu'est-ce qui se passe à la dernière porte à gauche ce soir, Kiwan? Ben ce soir, pas beaucoup de nouveautés parce qu'il n'y a pas eu grand-chose dans le francophone cette semaine. Donc, on va se faire plaisir avec des bonnes vieilles valeurs sûres. Il va y avoir du Alex Champigny, Husky, Tricot Machine. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de Tricot Machine. Il va y avoir du Philippe B. Et puis, plein de trucs génial. Ça va être super bon. Ce qui nous suit le jeudi après la rediffusion, qui est de 13h à 16h, c'est ta nouvelle émission. Ah, ben oui. Donc, j'imagine que c'est ma nouvelle émission. Si tout va bien, non, ça va être ça. Il va se passer quelque chose dans cette émission-là, j'imagine. C'est ça, ben je peux pas encore prévoir exactement là, mais ouais c'est ça. C'est respect les dauphins. Il va assurément avoir une très grande dose de respect envers les dauphins. Ah j'espère. Ouais. Ça c'est tout de suite pour ceux qui écoutent les rediffusions, là. C'est bientôt. Absolument. Ben nous on se quitte pour les Palmarès C'est fou, mais on est toujours en direct les vendredis soirs à 17h. Donc écoutez-nous. Moi je retrouve aussi à la connexion, l'émission d'informatique et de jeux vidéo. Ça c'est les mardis à 11h. Et dans le poste d'écoute les vendredis matins à 10h où on découvre les nouveautés une par une pour la toute première fois. Donc Kiwan, merci beaucoup d'avoir été là. Ben merci à toi, Mathieu Plante. À la semaine prochaine. Oui. Merci à vous, les palmiers. Faites attention à vos genoux. Oui. Bonne semaine. Et bonne chance. Toujours. Toujours. Et respectez les dauphins. Et faites attention à vos genoux. Ça va ensemble. On a de plus en plus de choses à rappeler aux palmiers. Hein. Faites attention aux genoux de vos dauphins. Ouais. Je ne vois plus, je suis légèrement engourdi. L'aura te rend jolie. Symphonie à l'aube de la nuit.